Le singe et la cigogne. Conte animalier africain de tradition orale, lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Jadis, le singe et la cigogne étaient de grands amis. Un jour, le singe invita la cigogne à déjeuner. Il prépara une purée de maïs qu'il servit dans des assiettes plates. Pendant que le singe se régalait, en puisant à deux mains dans son assiette, la cigogne grignotait la bouillie avec son long bec, ne parvenant pas à avaler une seule bouchée. Quelque temps après, la cigogne rendit la politesse au singe. Elle prépara une soupe de poisson qu'elle versa dans deux hautes cruches au goulot effilé. Elle introduisit son long bec dans la cruche et but tranquillement la soupe. Le pauvre singe tournait autour de sa cruche, ne sachant pas par quelle boule la prendre. Il finit par la renverser et s'en fut fait de son repas. Depuis ce temps, la cigogne et le singe ne sont plus amis.